Le tombeau de Siddhartha d'Auguste Glardon. Chapitre 1er. Par une chaleur de 45 degrés centigrades, dont il paraissait n'avoir cure, le vieux prêtre Amra rentrait chez lui. L'air indigné, murmurant des paroles incohérentes, il marchait à petits pas pressés sur la chaussée qui va d'Audipour à Ramla, longeant la rive méridionale du lac. À l'extrémité d'un promontoire, il s'arrêta brusquement et leva la tête. C'était un beau panorama. À droite, la ville, blanche comme du lait, étageant sur les dernières pentes d'un coteau ses cubes de maçonnerie découpés par milliers sur la verdure foncée des manguiers. À gauche, la plaine déroulant en perte de vue ses champs de sorgho prêts pour la faucille, et dans les chaudes brumes de l'horizon, la silhouette fuyante des pics de l'Aravalli. Le promontoire sur lequel Amra se tenait debout tombait à pic dans le lac. Sur la rive opposée, des palais de marbre blanc, des pavillons de bains aux mille couleurs, alternaient avec des groupes de dattiers, de figuiers, de tamarins, tout ce décor répété en sens inverse dans le miroitement des eaux grises. Le regard d'Amra s'était fixé sur un îlot, admirable corbeille de verdure et de fleurs, où se montrait à travers les bosquets de citronniers la svelte colonnade d'un palais. Mais le vieux brahman ne songeait pas à admirer. Ses petits yeux brillants de convoitise semblaient dévorer du regard l'île enchanteresse. Mais son sourcil s'était froncé, et sa main pétrissait avec fureur un magnifique collier de perles. Il fit un geste de dépit, et tournant à gauche, s'enfonça dans une ravine qui, en quelques minutes, le conduisit à sa demeure. Au milieu d'un terrain vague, susceptible de culture mais laissé en friche pour marquer la sainteté du lieu, un grand mur rectangulaire enfermait une sorte de jardin, ou plutôt de forêt, d'où pointait vers le ciel le toit en pain de sucre d'une pagode. Amra poussa du pied une porte vermoulue et entra dans une allée, ménagée entre les manguiers, les figuiers, les papayers, dont les troncs énormes et contournés plongeaient dans un fouillis de plantes herbacées. Des lianes, aussi grosses que des serpents à sonnette, s'élançaient du sein des masses de fougères, étreignaient de leurs volumineux replis les arbres de haute futaie. Dans le demi-jour verdâtre, palpitaient des ailes de phalène. On entendait sous les longues herbes des bruissements d'eau courante. Après le poudroiement du sol calciné et le grand éblouissement de l'air libre, on se sentait saisi par le contraste. Une source d'un faible débit mais intarissable avait fait la fortune de ce petit coin de terre. C'était la seule à plusieurs lieues à la ronde, et l'imagination populaire en avait attribué la création à une divinité d'ailleurs redoutable, la sinistre Kali. De là l'érection d'un temple, dont, après tant d'autres, Amra était pour lors le desservant. En arrivant à l'extrémité de la longue allée de verdure, le vieux prêtre s'était arrêté pour donner un regard de dédain à l'édifice qui, depuis tantôt un demi-siècle, lui servait de demeure. Un artiste eut jeté un cri d'admiration. La pagode, il est vrai, était petite. Son toit, formé de cônes tronqués en retrait les uns sur les autres, ne s'élevait guère plus haut que les figuiers qui l'enserraient à l'étouffer. Mais qu'elle était décrépite et respectable, la vieille petite pagode. Son grès rougeâtre, verdi par l'humidité des longues pluies, perforé de millions de petits trous, semblait à moitié pourri. Les pilastres à fines cannelures, encastrés dans les murs, avaient çà et là laissé échapper de leurs alvéoles quelques pierres de taille et des tourterelles nichaient dans ces cavités. De gros pigeons roucoulaient au long des corniches. Un singe noir à face écarlate, assis sur le rebord du toit, les mains sur les genoux, semblait placé là tout exprès pour personnifier le génie du lieu. À la vue de son maître, il descendit précipitamment et, s'approchant d'un air câlin, voulut fouiller la ceinture où, plus d'une fois, il avait dû trouver des friandises à son adresse. Mais le prêtre était de méchante humeur. « Ah bah, Hanuman, va-t'en au diable !» lui cria-t-il. Cette exclamation peu canonique s'accompagnait d'un geste si terrifiant que le pauvre animal s'enfuit la queue en l'air sans demander son reste. « Lalou !» vociféra le brahman. « Hé, Lalou, où donc es-tu ? » Un bâillement répondit à cet appel, et un jeune garçon vêtu d'un mouchoir d'indienne sortit, en s'étirant les bras, d'une hutte de bambou enfouie sous la verdure. L'air irrité du patron lui donna une secousse salutaire. Il accourut en murmurant le « Jo Kukam » à vos ordres habituels. mes ordres, repartit le prêtre. Tu t'en soucies bien. C'est comme cela que tu gardes la maison pendant mon absence, et si quelques fidèles s'étaient présentés. Je me serais réveillé, Sahib. La bonne mère ne m'aurait pas laissé dormir. Mais tais-toi donc, tu ne dis que des sottises. D'ailleurs, qu'importe. Le vieillard leva les bras vers le ciel, comme pour le prendre à témoin que son découragement était justifié. Oui, ajouta-t-il d'une voix dolente, les beaux jours sont passés pour la bonne mère. Depuis que ce maudit babou a inventé de faire bâtir un temple à Krishnaji, Seigneur Krishna, la bonne mère est abandonnée, elle, la patronne du royaume pourtant. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à mourir de faim. Des profondeurs de sa panse rebondie, le bonhomme tira un soupir. Il regarda le collier qu'il avait encore dans la main, et sa colère le reprenant. « Tiens, dit-il au jeune garçon, voilà ce que Sa Majesté m'a donné. Je lui demande une pagode neuve et un petit domaine pour honorer la patronne. On me répond par ce colifichet. Toutes les faveurs, tous les sourires sont aujourd'hui pour ce dieu bâtard, qui n'a d'autre mérite que d'être, dans notre bonne vieille d'Audipour, le dernier venu. Par le ventre de Brahma, que veut-on que je fasse de ces 3 ou 4 douzaines de perles ? Il lança le collier au visage de Lalou, qui esquiva le choc et courut ramasser le précieux ornement. « C'est pour moi, vous me le donnez ? » cria-t-il la face épanouie. « Comment, Marot, un collier de 1000 écus dont on ne trouverait pas de pareil dans tout le royaume ? À toi de me le rendre ou sinon ?» Lalou tendit le collier à son patron, mais cette fois il n'esquiva pas le soufflet qui sonna sur sa joue pleine. Après cette exécution sommaire, Amra, l'âme soulagée, se dirigea majestueusement vers l'entrée de la pagode. La porte n'était fermée qu'au loquet, une porte de vieux chêne recouverte de broderies de fer forgé d'une délicatesse invraisemblable. Il l'ouvrit, et la refermant derrière lui, se trouva plongé dans l'obscurité fraîche du sanctuaire. Il n'y avait pas de fenêtre et c'eût été nuit close sans une petite ouverture habilement ménagée au-dessus de la porte, entre deux moellons. Un mince rayon de lumière se glissait par là dans la pagode et allait tout au fond faire surgir des ténèbres la menaçante image de la déesse, une statue en ébène polie, vieille peut-être de 2000 ans et d'un aspect diabolique. Dans ses yeux, formés de grands rubis cerclés d'argent mat, dansait une flamme rutilante. Un rictus effroyable lui tordait la bouche, mettant à découvert deux rangées de dents pointues et faisant saillir une langue d'un rouge sanglant. À son cou et à ses bras pendaient de riches colliers, et la poitrine était traversée en biais d'un chapelet de petits crânes d'ivoire poli, gros comme des oranges. Le bas du corps se dérobait presque dans l'obscurité, mais on apercevait vaguement deux jambes massives et deux pieds crochus, campés sur le cadavre d'un tigre. Le prêtre traversait le sanctuaire pour aller suspendre le collier nouveau venu au cou de la déesse lorsqu'il trébucha dans les ténèbres. Un cormou lui barrait le chemin. Avec une exclamation d'effroi, il se baisse et constate qu'un homme est là, prosterné dans l'attitude de la prière, mais insensible et froid. Un cadavre dans la maison de Dieu, il ne manquait plus que cela. À ce moment, Lalou entra, attiré par le cri insolite qui avait ébranlé les échos de l'édifice. Aidé du brahmane haletant de frayeur, il porta la lumière du jour l'infortuné qui était venu, semblait-il, expirer aux pieds de la déesse. « C'est un fakir, dit-il après l'avoir examiné. »